Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Le gouvernement, par les lois, est-il en train de se retirer? Est-ce le retour de nouvelles formes d'allégeance, s'interroge le juriste Alain Supiot. Comment assiste-t-on aujourd'hui au renversement de la hiérarchie du public et du privé, au recul de l'hétéronomie, à l'effacement d'un système basé sur des lois reçues de l'extérieur? Début 2017, je vous avais proposé la stimulante série de cours d'Alain Supiot, titulaire de la chaire « État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités » sur la gouvernance par les nombres. Il s'y interrogeait en quoi et sous quelles conditions l'analyse juridique peut-elle contribuer à éclairer les transformations de nos sociétés, travaillées par la globalisation, la révolution numérique et le passage du gouvernement par les lois à la gouvernance par les nombres. Lors de cette première série, Alain Supiot avait démontré la soumission du juridique à l'ordre économique, au calcul d'utilité et le passage d'un imaginaire qui s'est donné comme objet fétiche l'horloge à l'imaginaire cybernétique. Cette semaine, je vous propose la suite de ce cours donné au printemps 2014 sous le titre « Les figures de l'allégeance ». Il y a de nombreuses raisons de penser, dit-il, que la période qui s'est ouverte avec la montée en puissance des États souverains et du gouvernement par les lois dans l'Europe des XIIe-XIIIe siècles arrive à échéance. Sapé par la gouvernance par les nombres, le rule of law est en crise et le gouvernement par les hommes refait surface sous des formes inédites. C'est ce qu'Alain Supiot appelle les figures de l'allégeance, chacun devant pouvoir compter sur la protection de ceux dont il dépend et sur le dévouement de ceux qui dépendent de lui. Le juriste revient sur les différents exemples dans l'histoire, et notamment la plus récente, où il s'est agi de poser les bases économiques de l'extinction de l'État. Il va notamment expliquer cette semaine, et je le cite, que la foi dans l'harmonie par le calcul a ressurgi avec la globalisation ultralibérale et les revendications libertariennes qui sont les deux faces économiques et sociétales d'une même médaille. Leurs prophètes annoncent à leur tour l'avènement d'un monde d'abondance où chacun sera gouverneur de lui-même et n'aura à subir de contraintes qu'il n'ait expressément consenti. Cela posé, le libre consentement n'est pas sans chausse-trappe. Et il va en analyser l'impasse fondamentale. Aucune société ne peut durer sans foi ni loi, et le risque, comme il le démontrera, est de disloquer ce qu'on appelle la société civile. Ici, le droit s'avère un poste d'observation privilégié des mutations actuelles, et certaines sont vraiment glaçantes. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 10 avril 2014 pour le cours d'Alain Supiot, Les figures de l'allégeance, aujourd'hui, le recul de l'hétéronomie, partie 1. Puisque l'an dernier, nous étions passés du gouvernement par les lois à la gouvernance par les nombres, nous avions vu que l'un et l'autre partagent un même idéal, c'est l'idéal d'une société dont les règles procèdent d'une source impersonnelle et non pas de la volonté des puissants. C'est cet idéal que Platon dépeignait en évoquant une cité dans laquelle, je cite, « c'est la loi qui régnait souverainement sur les hommes au lieu que les hommes fussent les tyrans de la loi ». Mais comme le dit aussi clairement cette formule, dans ce mode de gouvernement, la loi règne souverainement. Autrement dit, elle représente une instance hétéronome, et cette hétéronomie est la condition première de l'autonomie dont jouissent les hommes qui vivent sous son règne. Il faut concéder cette hétéronomie pour accéder dans des conditions d'égalité à l'autonomie. Et ce montage normatif, où une hétéronomie impersonnelle est la condition de l'autonomie des personnes, est le même que celui de l'institution du langage, où d'ailleurs Platon voyait la première source de législation. Peut-être que la première figure de la loi est le visage de notre mère. Pour pouvoir s'exprimer librement, chaque locuteur doit se soumettre à la loi de la langue dans laquelle il parle. Pour que vous me compreniez en ce moment, si j'appelais cet amphithéâtre poisson, vous commenceriez à être inquiet et à vous dire qu'on délire au Collège de France. Donc je suis obligé, si je veux parler de l'amphithéâtre, de me soumettre à cette loi qui donne un son, qui renvoie ce son à cette chose. Donc il nous faut obéir à ces règles impersonnelles qui réfèrent certains signifiants à certains signifiés pour accéder à l'autonomie de pensée et d'expression que donne la maîtrise de cette langue. Une fois que je peux dire amphithéâtre, je peux dire brûlons l'amphithéâtre, par exemple, donc dans un acte révolutionnaire. Mais ce faisant, je continuerai de me soumettre quand même à la loi de la langue. Et c'est à cette condition de se soumettre à la loi de la langue que nous pouvons accéder à l'univers réflexif qui est celui des langues naturelles. Qu'est-ce que ça veut dire univers réflexif? C'est un univers où nous pouvons nous observer nous-mêmes et parler dans ces langues naturelles, des règles qui nous gouvernent. Donc, si je veux parler de la langue, j'en parle dans cette langue. Et cette langue a la capacité de faire retour sur elle-même pour s'atteindre. Évidemment, le prix à payer pour cela, c'est que la référence du signifiant au signifié n'est pas univoque, elle laisse place à la polysémie et donc à une pluralité d'interprétations possibles d'un même énoncé. Il faut s'y résigner, et beaucoup de juristes ont du mal à s'y résigner, des juristes contemporains. Le droit est une science de l'interprétation qui se meut dans l'univers des langages naturels. Et vous voyez, ça fait tout de suite problème par rapport à l'idéal d'une gouvernance par les nombres. Lorsque, aux langues naturelles dans lesquelles s'exprime le législateur, je substitue des nombres, je passe dans un autre langage, qui est le langage logico-mathématique, et en principe, ce langage se distingue par deux traits des langues naturelles. Il est univoque, donc un triangle est un triangle, 8 c'est 8, ça ne peut pas être autre chose, et il n'est pas réflexif. Les symboles qu'on y emploie ont un sens et un seul, mais on ne peut parler du langage mathématique qu'en recourant aux langues naturelles, à partir duquel elles ont été construites. C'est en cela que le langage logico-mathématique n'est pas réflexif. Il ne peut pas faire retour sur lui-même comme la langue maternelle le fait. Alors ça, c'est en principe. Et si je dis en principe, c'est que l'un des apports fondamentaux des mathématiques modernes, je suis obligé de commencer par ça pour faire le lien sur les impasses de la gouvernance par les nombres, parce que cette gouvernance, je l'ai dit et je le répéterai dans un instant, est projetée par l'imaginaire cybernétique. Elle a donc à voir avec quelque chose de nouveau qui est apparu dans le monde des sciences au tournant du 19e et du 20e siècle, plus exactement dans le courant du 20e siècle, qui a été l'introduction de la réflexivité en mathématiques, par le codage de certaines de ces formules. Ça, c'est une grande invention qu'on doit à un génie, dont vous connaissez sûrement le nom, qui est très souvent évoqué, qui est Gödel. Gödel a eu ce coup de génie de coder des formules mathématiques, donc du coup de créer un nouveau niveau et de pouvoir faire en sorte que on manipule ces formules comme dans un langage naturel. Et c'est à partir de ça qu'il a réussi à démontrer l'existence en mathématiques de propositions indécidables. Et pourquoi sont-elles indécidables? Parce qu'elles sont susceptibles de plusieurs interprétations. Autrement dit, on retrouve l'indécidabilité là où on est dans un univers réflexif et là où les mots où les formules se prêtent à plusieurs interprétations. Alors, Ce langage informatique est né de cette découverte. Il possède donc une certaine réflexivité, puisqu'un programme peut prendre pour donnée un autre programme. Et c'est pourquoi l'ordinateur est une machine capable de s'auto-gouverner dans les limites du programme qu'elle exécute. Et c'est pourquoi l'invention d'une telle machine a rendu concevable une société fabriquée sur son modèle qui serait régie par des règles impersonnelles, immanentes à son fonctionnement, autrement dit, à une société purgée de toute hétéronomie, qui serait régie par un programme immanent, inhérent à son être. Alors, je rappelle, nous avons vu l'année dernière, que concevoir ainsi la société sur le modèle de la machine procède d'un imaginaire qui était déjà présent au moins depuis Hobbes dans la pensée juridique occidentale, et nous avons vu aussi comment la gouvernance par les nombres a adopté un nouvel objet fétiche, non plus l'horloge, mais l'ordinateur, et c'est ce changement qui conduit à la rupture avec l'idée de gouvernement par les lois qui lui convenait bien à l'univers de la physique classique qui ne connaît que des poids, des masses et des mesures. Et donc, elle vise à établir un ordre qui serait capable de s'autoréguler et qui rendrait ainsi superflu toute référence à des lois situées en surplomb de cet ordre. Je suis navré de commencer par cette entrée en matière un peu austère, je le confesse, et mathématisante, mais ça permet de comprendre pourquoi la principale caractéristique de la gouvernance par les nombres, c'est une entreprise de liquidation de l'hétéronomie du droit. Il s'agit d'en faire un simple instrument de mise en œuvre d'une rationalité par le calcul. Et dès lors qu'elle vise à l'effacement de l'hétéronomie, la gouvernance par les nombres remet nécessairement en cause la soumission des rapports de droit privé à un ordre public qui serait garant de l'intérêt général. Car cette articulation du droit public et du droit privé, sur laquelle nous allons revenir dans le premier chapitre du cours, a évidemment à voir avec l'idée d'hétéronomie, d'une loi en surplomb des rapports privés. Alors cette remise en cause est souvent décrite en termes de privatisation du pouvoir et des normes. Il faut être prudent quant à ce qualificatif, car réduire les transformations actuelles à un processus de privatisation, ce serait admettre, sans même l'avoir discuté, l'hypothèse selon laquelle un ordre juridique pourrait se réduire un pur système de droit privé, peuplé de particules contractantes et régi par le calcul. Alors c'est certainement l'avenir radieux qui nous est promis par le libéralisme dans sa forme contemporaine, mais il y a au moins trois bonnes raisons de douter qu'un tel ordre puisse jamais advenir. Première raison, c'est une raison scientifique. Ceux-là même dont les découvertes ont donné le jour à l'informatique, ont été les premiers à souligner que l'esprit humain n'était pas réductible à la machine. Je cite ici un mathématicien qui s'appelle Jean-Yves Girard, qui a écrit sur ce sujet. « Si nous devons dire en une phrase quelle est la signification de la réfutation par Gödel du programme de Hilbert, c'est-à-dire le sens de la découverte de Gödel, c'est « il y a des choses qui ne sont pas du ressort du mécanisme ». Et la portée exacte de cette découverte demeure donc ignorée par les nombreux scientifiques qui demeurent eux-mêmes attachés au formalisme mathématique, et notamment au mécanicisme et à la complétude, qui ont l'avantage de donner une vision simple et réductrice du monde. Donc, là aussi, les épistémologues et des mathématiciens comme Girard observent que, au fond, l'espèce de percée conceptuelle opérée par Gödel, elle est certes présente dans la culture scientifique, mais pas vraiment prise en compte. Nos réflexes spontanés, c'est l'univers physique. Et c'est la raison pour laquelle aussi cette découverte demeure souvent incomprise hors du champ mathématique, où les travaux de Gödel ou Turing donnent lieu à des extrapolations plus ou moins fantaisistes. Ce qui d'ailleurs ne doit pas nous surprendre, puisque les découvertes scientifiques d'une époque donnée ont toujours nourri l'imaginaire de cette époque. Alors ça, c'est la raison scientifique pour laquelle on ne peut pas penser que lorsqu'il s'agit d'affaires humaines, qui impliquent l'esprit humain, il y ait une réductibilité possible de la règle au calcul. La deuxième raison, c'est une raison historique. On peut douter que les relations entre individus puissent être régulées sans référence à une instance hétéronome. Et j'en prendrai juste un exemple. Ceux qui pensent qu'on pourrait le faire pourraient observer aussi les cas les plus en plus nombreux dans le monde, je pense notamment en Afrique ou dans le monde arabe, où l'État fait défaut. A priori, on pourrait penser que, je ne sais pas, la Centrafrique aujourd'hui est une sorte de paradis, puisque l'entreprise de liquidation de l'État a été amenée à peu près à son terme. Mais au lieu du paradis, on ne trouve pas vraiment le paradis, on trouve un monde de violence et de difficultés. Donc l'effacement de l'hétéronomie de l'État, on peut le voir aujourd'hui sous nos yeux, c'est une expérience historique, ne conduit pas ipso facto à une généralisation de l'autonomie individuelle. Et enfin, à ces raisons scientifiques et historiques, j'ajouterai un constat juridique qui va nous occuper cette année, c'est que la remise en cause de l'hétéronomie, loin de faire advenir le règne de la pure autonomie individuelle, engendre en réalité des formes nouvelles d'hybridation du public et du privé. Ça, on peut le comprendre, et je dirais que des travaux historiques le montrent. Lorsqu'il y a affaiblissement du pouvoir central, dès lors que la sécurité des personnes n'est plus garantie par l'hétéronomie d'une loi qui s'applique également à tous, que pouvons-nous faire ? Eh bien, nous n'avons plus d'autre issue que de rechercher cette garantie dans des liens d'allégeance que nous tissons entre nous. Chacun, alors, doit pouvoir compter sur la protection de ceux dont il dépend et sur le dévouement de ceux qui dépendent de lui. C'est ça, l'allégeance. C'est lorsque cette figure tutélaire, hétéronome d'une loi impersonnelle s'efface, le besoin de sécurité ne peut plus trouver à se satisfaire qu'en tissant des liens personnels où l'on va attendre protection de plus puissants, on va compter sur le soutien de moins puissants. C'est un résultat évidemment ironique du point de vue des idéaux contemporains, puisque c'est la quête d'un pouvoir impersonnel qui conduit en fin de compte à la résurgence sous des formes nouvelles de liens de dépendance personnelle comme mode central de gouvernement. Alors c'est ça qui va nous occuper cette année. Les trois premiers chapitres du cours vont décrire à grands traits le contexte dans lequel s'inscrivent ces figures nouvelles de l'allégeance. Le premier sera consacré à l'inversion de la hiérarchie du public et du privé, inversion inhérente au recul de l'hétéronomie au règne du calcul. Un second chapitre étudiera les effets structurels de ce recul de l'hétéronomie sur l'ordre juridique. Ce second chapitre sera pour montrer l'insoutenabilité d'une société qui n'aurait ni foi ni loi. Et le troisième chapitre examinera les différents modes de gouvernement par les hommes qui sont susceptibles d'être réactivés par cet effacement de l'hétéronomie de la loi. Après ces trois premiers chapitres, nous pourrons ensuite explorer dans les chapitres suivants les différentes figures de l'allégeance telles qu'elles se donnent à voir dans quelques domaines clés de l'État social, dans la relation de travail bien sûr, mais aussi dans les rapports entre les entreprises ainsi que dans les rapports entre les États. Et un dernier chapitre proposera une première synthèse de cette exploration. Alors, nous allons commencer par le premier chapitre. Donc ce premier chapitre est consacré au recul de l'hétéronomie et il pourrait y avoir un sous-titre d'ailleurs, c'est sur une certaine inversion du rapport privé-public. En effet, du point de vue juridique, le recul de l'hétéronomie de la loi se traduit par un renversement de la hiérarchie du public et du privé. Cette distinction du privé et du public est une distinction qui n'est pas une invention de la philosophie des Lumières, mais un héritage du code de Justinien, qui est la matrice juridique commune des systèmes de common law et de droit continental. Sa formulation la plus célèbre est due à Ulpien, selon lequel, lisons ensemble, les latinistes ont le droit de lire en latin directement, étudier les préceptes du droit comporte deux positions, c'est positiones, le privé et le public. Le droit public est ce qui regarde l'état c'est status, bon, je le note au passage, de la chose romaine. Le privé, ce qui regarde l'utilité des individus pris un à un. Alors cette distinction privé-public est aujourd'hui comprise sur le mode dichotomique d'une opposition entre deux corps différents de règles, je dirais même quelquefois par une essentialisation du privé, on oppose l'État et la société civile, pour faire bref, comme si une société civile pouvait exister sans État, ou comme si on pouvait imaginer des formes durables d'État qui ne laisseraient pas un espace à ce que nous appelons la société civile. Donc c'est entendu sur un mode dichotomique, alors qu'elle repose au contraire, comme le dit clairement ce texte, sur l'idée de position différente d'un même corps de règles. Donc le corps du droit, le corpus iuris, articule deux positions. Et s'il articule deux positions différentes, c'est parce que l'ajustement horizontal des intérêts particuliers, pris un à un, ou singularum utilitatem, cet ajustement horizontal dépend de la stabilité verticale, status, de la chose publique. Il faut que cette chose, la res publica, tienne debout pour que les rapports entre particuliers obéissent à un régime de droit, ce que les Anglais appellent « rule of law », et non à la loi du plus fort. C'est donc cet assujettissement du privé au public qui donne à la structure juridique son intelligibilité et sa solidité. C'est un montage normatif. Il y en a d'autres concevables. Celui-là a été la réponse, je peux dire occidentale, dans un sens un peu dévoyé, puisque on peut considérer que l'Europe orientale est aussi l'héritière du code de Justinien, mais ça a été en tout cas la réponse occidentale à un impératif anthropologique affrontés par toutes les civilisations humaines. Toutes les civilisations doivent, pour se maintenir, métaboliser les ressources de la violence, en référant le pouvoir à une origine qui tout à la fois le légitime et le limite. Ça, c'est un problème qui se pose partout. Et c'est pourquoi la réglementation des intérêts individuels dépend nécessairement de l'état de la res publica, qui porte en elle ce que Ulpien appelle les choses sacrées. Donc je poursuis la lecture du digeste avec vous. Rassurez-vous, on va s'arrêter là, ce serait trop long si on lisait tout le digeste. En effet, il y a des choses utiles au public et d'autres particuliers. Le droit public consiste dans les choses sacrées, les ministres de la religion, les magistrats. Alors les choses sacrées, qu'est-ce que c'est que cette affaire de choses sacrées? C'est ce qu'on pourrait appeler en termes modernes les interdits fondateurs, ceux qui donnent un système juridique déterminé sa base axiologique propre. Ainsi entendu, la référence au sacré n'a pas du tout disparu de nos propres bases constitutionnelles. Vous la trouvez dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui est résolue à exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, qui désigne explicitement l'un des droits qu'elle proclame, le droit de propriété, comme inviolable et sacré. De même, elle a été solennellement réaffirmée au sortir de la Seconde Guerre mondiale dans le préambule de la Déclaration de 1946, donc vous savez qu'il participe de notre bloc de constitutionnalité, et selon lequel tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Et donc cette sacralité est présente dans les, en tout cas dans le droit français. Elle se retrouve implicitement dans les dispositions qui consacrent l'intangibilité de certains principes constitutionnels. Ce qui est sacré, on ne doit pas y toucher. Je vous en donne un exemple qui est historiquement particulièrement parlant, puisqu'il s'agit de la loi fondamentale allemande adoptée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La Grundgesetz place le principe de dignité ainsi que le caractère fédéral, démocratique et social de l'État hors d'atteinte du pouvoir constituant. Ici, il faut commencer par lire la fin. Toute modification de la présente loi fondamentale qui toucherait aux principes énoncés aux articles 1 et 20 est interdite. Donc la Constitution pose elle-même un certain nombre de règles qu'aucun constituant ne peut modifier. Donc nous avons une sorte d'énoncé méta-constituant. Et quelles sont ces deux règles? La dignité de l'être humain à l'article 1 et à l'article 20, le caractère fédéral, démocratique et social de la République fédérale d'Allemagne. Bon, chaque mot a un poids historique considérable parce que si le caractère fédéral est intangible, c'est parce que précisément le nazisme l'avait liquidé. Le caractère démocratique, c'est ce qui a conduit la Cour constitutionnelle, nous l'avons vu l'année dernière, à commencer à poser des verrous à l'extension du droit européen, considérant que le principe de démocratie n'était pas assuré dans l'ordre juridique européen. Et le caractère social, ne l'oublions pas. Spécialement ici. Il est aussi intangible, ce qui a conduit aussi la Cour constitutionnelle à dire qu'il était du devoir de la République fédérale d'Allemagne de promouvoir la dimension sociale du droit européen. Il faut donc mettre sur le compte de l'ignorance de nos propres bases constitutionnelles la critique que j'ai entendue il y a quelques mois, adressée par certains hommes politiques français aux dispositions de la nouvelle constitution tunisienne, selon lesquelles l'État garantit en même temps la religion, la protection du sacré, la liberté de conscience et de croyance, et le libre exercice du culte. Bon. J'ai entendu des commentaires disant « mais enfin, c'est de l'obscurantisme de dire que l'État doit protéger le sacré. » C'est de l'obscurantisme, mais enfin, c'est le digeste. Et puis, on retrouve ce type de formule dans nos propres constitutions, comme je viens de le montrer. En réalité, une telle articulation de la chose publique et des intérêts individuels a pu porter des systèmes juridiques très différents, aussi différents que la Rome classique, les royautés d'Ancien Régime, l'État-nation ou les empires coloniaux. Depuis un peu plus de deux siècles, ce montage a connu une expansion mondiale sans précédent, avec la domination occidentale du monde, qui a mis sur la défensive d'autres façons possibles de penser, de civiliser le pouvoir. Parce que ce n'est pas le seul montage possible, celui-là, du corpus iuris avec ses deux positions. Il y en a d'autres. Par exemple, le ritualisme asiatique, sur lequel on reviendra un petit peu cette année, sur la notion d'ordre rituel, asiatique ou africain. Ou bien les légalismes religieux, de facture juive ou musulmane. Ce sont d'autres réponses possibles à la question de la civilisation du pouvoir et de la violence. En tout cas, l'État moderne, il est héritier de cet état de la chose romaine, du digeste, à laquelle il a donné le visage d'un être immortel qui veille au respect de vérités évidentes en elles-mêmes. Nous avons vu ça l'année dernière à propos de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Et de droits inaliénables et sacrés, et qui garantit ainsi la pérennité d'un peuple au-delà de la succession des générations. Collège de France et France Culture vous présentent le juriste Alain Supiot, les figures de l'allégeance, aujourd'hui le recul de l'hétéronomie, partie 1. Toutefois, voilà le montage, voilà nos bases, si je puis dire, nos fondations normatives. Mais nous avons vu déjà l'année dernière, et nous allons le revoir bientôt à propos de Hume, que tout un pan de la pensée occidentale a cherché depuis la philosophie des Lumières à évacuer la dimension dogmatique qui est inhérente à ce montage institutionnel et à fonder plutôt l'ordre juridique sur des lois inscrites dans la nature. La considération des choses sacrées est dès lors refoulée dans la sphère privée, ce qu'on appelle aujourd'hui le sentiment religieux, et la sphère publique n'aurait plus rien à voir avec ce que nous appelions le sacré. Et c'est ce qui laisse place, progressivement, à une conception purement instrumentale du droit. Cette idée, je vais y revenir, c'est déjà présent chez Hume. Il dit que c'est un traité de morale pour essayer de fonder la morale sur la méthode expérimentale, donc son propos est absolument clair. Mais son expression politique la plus spectaculaire et aussi la plus effrayante, ça a été les régimes totalitaires qui ont prospéré au XXe siècle, car ce sont les premiers qui ont prétendu émanciper ainsi le droit et les institutions de toute référence métaphysique pour les ancrer dans les vraies lois, celles découvertes par la science, par la biologie raciale, par le socialisme scientifique. Dans cette perspective scientiste, les rapports entre les individus ne sont plus placés sous la dépendance d'un droit public, lui-même référé à des choses sacrées. Ils sont dictés par ce qui serait une vérité des rapports de force entre races ou entre classes. Alors le nazisme s'est ainsi référé aux lois enseignées par la biologie de son temps pour œuvrer à l'avènement d'une race supérieure promise à la domination de toutes les autres. Nous façonnons la vie de nos peuples et notre législation conformément au verdict de la génétique, proclamait le manuel de la jeunesse hitlérienne que cite d'ailleurs Hannah Arendt. C'est donc un État dans lequel la loi s'identifie sans reste à la volonté du plus fort. Il y a cette formule à la fois hédoniste et si éclairante de Göring. Göring disait alors « Recht ist das, was uns gefällt ». Le droit, c'est ce qui nous botte, si je puis dire. Il s'identifie au bon plaisir des gouvernants et dès lors, le devoir d'un citoyen sain n'est pas tellement d'observer des lois positives, mais de scruter et même de devancer la volonté de son Führer, qui intime à chacun des buts à atteindre plus que des règles à suivre. Et la fidélité à une personne se substitue à l'observance des lois. Alors retenez bien ce point qui est caractéristique du lien d'allégeance, lequel suppose non pas une obéissance mécanique, mais une mobilisation de toutes vos ressources intellectuelles et physiques au service d'autrui. Donc les lois sont superflues dans un tel régime. La seule constitution que le régime nazi ait connue fut la loi martiale, le décret du 28 février 1933 qui a suspendu les droits fondamentaux garantis par la Constitution de Weimar, et on a ainsi érigé l'état d'exception en fondement de l'ordre juridique, ce qui correspondait aux théories de Carl Schmitt, qui était l'auteur constitutionnel de référence du nazisme. Je reviendrai sur Carl Schmitt dans le prochain cours, ou celui d'après, je ne sais plus. Je prendrai un petit moment pour parler de Carl Schmitt. Donc, à l'instar d'un certain positivisme, ces théories conduisent à ne pas distinguer selon que le pouvoir politique se trouve ou non lié par une norme qui le fonde, c'est-à-dire à confondre État totalitaire et État de droit. Certains auteurs, même parmi ceux que je respecte le plus, disent État nazi, État stalinien, État de droit, tout ça c'est pareil, c'est de l'État. Il me semble que c'est une erreur. C'est la même erreur qu'un médecin qui ne saurait pas distinguer la raison de la folie. Bien sûr, on a affaire dans tous les cas à des êtres humains. Mais l'État totalitaire est un état de folie collective, ainsi que l'ont montré des écrivains aussi différents qu'Orwell ou Ionesco. Et si les juristes ne sont pas capables d'opérer cette distinction, on peut se demander à quoi ils servent, et si la République a raison de continuer de les payer. Alors, le marxisme-léninisme, quant à lui, était animé par la croyance dans des lois de l'histoire censées conduire à l'avènement d'une société sans classe et sans droit. Donc, les lois bourgeoises, enfin, je vous rappelle, le catéchisme n'était qu'une superstructure destinée à conforter la domination de classe. Il convenait donc, pour hâter ce dénouement de l'histoire, d'œuvrer au dépérissement de la forme juridique et à la suppression de toutes les garanties légales susceptibles de permettre aux individus d'échapper à la dictature du prolétariat. Cette vision d'un monde purgé du politique au profit de la technique, je crois l'avoir déjà évoqué l'année dernière dans ce passage, mais où Lénine annonce les temps très heureux où les ingénieurs remplaceront les hommes politiques sur les tribunes publiques. Ici, j'ai une citation de Engel qui est méconnue parce que c'est Engel qui a cette formule « Le gouvernement des personnes fait place à l'administration des choses ». Ce n'est pas Saint-Simon. Donc l'intervention d'un pouvoir d'État dans les rapports sociaux devient superflue dans un domaine après l'autre. Le gouvernement des personnes fait place à l'administration des choses et à la direction des opérations de production. L'État n'est pas aboli, il s'éteint. Voilà la promesse de disparition progressive de l'État au profit d'une simple gestion fondée sur la connaissance. Vous savez que le régime maoïste a été particulièrement radical dans ce domaine, notamment pendant la révolution culturelle, et que beaucoup de ces anciens sectateurs se retrouvent aujourd'hui parmi les théoriciens de la déréglementation anarcho-capitaliste, tant en Chine qu'en Occident. Il n'y a là aucune contradiction théorique, mais au contraire, la preuve d'une grande cohérence intellectuelle. Alors, observons au passage que les régimes qui ont ainsi prétendu reposer sur des bases scientifiques, telles la biologie raciale ou le socialisme scientifique, ont aussi interdit toute libre recherche scientifique. Toute recherche s'écartant de ces dogmes, puisqu'ils reposent sur une fétichisation de la science. On n'installe pas impunément la science à la place des choses sacrées, c'est ça qu'il faut savoir. Et si vous le faites, vous ne pouvez plus autoriser d'autres énoncés. Et donc ce que vous faites, c'est vous tuez la recherche scientifique. C'est très intéressant parce que ça veut dire que la science ne peut pas s'auto-fonder. La libre recherche scientifique a besoin d'une base juridique qui lui accorde valeur et protection. Et elle n'est nulle part davantage menacée que dans un système normatif fondé sur une vérité avec un grand V officiel. Cette incapacité de la recherche scientifique à s'autofonder s'explique, comme Max Weber l'avait bien perçu, par le fait que le sens et la valeur des actions humaines ne sont pas du ressort des sciences de la nature, ni des mathématiques. Je suis désolé pour les mathématiciens qui sont présents dans cette salle. Alors j'aime beaucoup cette citation de ce que dit Weber, je trouve ça très profond, donc on va le lire ensemble. Les sciences de la nature présupposent comme allant de soi qu'il vaut la peine de connaître les lois dernières du devenir cosmique, pour autant que la science est en mesure de les établir. Non seulement parce que ces connaissances nous permettent d'atteindre certains résultats techniques, mais surtout parce qu'elles ont une valeur en soi, en tant qu'elles représentent précisément une vocation. Néanmoins, personne ne pourra jamais démontrer cette présupposition. On pourra encore moins prouver que le monde dont elles font la description mérite d'exister, qu'il a un sens ou qu'il n'est pas absurde d'y vivre. C'est intéressant parce que ce qu'il dit bien, c'est que le moteur de la recherche scientifique, c'est un désir de connaître et que ce n'est pas seulement le désir d'atteindre certains résultats techniques. Et dès lors qu'on prétendrait diriger la science simplement en fonction d'un critère d'efficiency économique, on casse d'une manière un peu nouvelle, mais sa capacité de découverte. Alors, voilà le tableau, si je puis dire, des tentatives historiques auxquelles on a assisté de destitution de l'État dans sa dimension sacrée, dans sa dimension intouchable, de garant du plan du droit privé, des libres rapports et de l'autonomie des individus. Vous savez que les lois humaines ont finalement eu raison des lois surhumaines que les régimes totalitaires prétendaient mettre en œuvre, et que les pays occidentaux se sont employés, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, à réhabiliter le rôle des États et du droit en le référant à l'impératif catégorique du respect de la dignité humaine. Et ils se sont efforcés de refonder sur cette base un nouvel ordre juridique mondial qui visait à faire progresser la justice sociale. Vous retrouvez en filigrane un texte qui m'est cher, la déclaration de Philadelphie notamment, mais enfin c'est aussi le cas de la déclaration, bien entendu, universelle des droits de l'homme, du programme du CNR, enfin de tout, si vous voulez, la fin de la Seconde Guerre mondiale est le moment d'une sorte de ressaisissement après l'effroi du vide auquel avait conduit le scientisme qui avait prévalu dans la période précédente, pas seulement dans les années 30, hein, à partir de la fin du 19e siècle. Donc il y a une sorte de ressaisissement et d'une volonté de se redoter d'une base. Alors on ne dit pas forcément, si on dit sacré, on a vu la déclaration tout à l'heure, qui pourrait être universel, c'est-à-dire un intangible reconnu de tous les peuples de la Terre. Et cet intangible devant faire place à l'autonomie et à la dignité de chacun avait inévitablement une dimension économique et sociale, et c'est dans le même mouvement, et c'est de ce mouvement que naît l'affirmation universelle des droits économiques, sociaux et culturels, dont la mise en œuvre requérait l'intervention publique, et qui a entraîné en Europe occidentale un essor sans précédent de l'État social. Et vous savez aussi, donc ça c'est le moment d'après-guerre, que cet assujettissement des échanges économiques à la réalisation des droits sociaux n'a pas survécu au bouleversement des trois dernières décennies. Et que, bon, je parle de révolution ultralibérale, alors c'est un mot qui peut... je ne crois pas m'en être déjà expliqué. Il me semble ultralibéral, c'est bien pour désigner la philosophie politique dominante aujourd'hui, parce qu'elle évoque ce qu'on appelait les ultras après la Restauration en France. Les ultras, c'était ceux qui disaient, bon, on efface le moment révolutionnaire, on revient à avant. C'était très radical. Mais en fait, ils ont inventé du neuf. Donc ces ultralibéralistes, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, on va revenir à une sorte de vérité de ce que devrait être le libéralisme économique, mais en fait, ça marque en gésine la naissance du nouveau montage. Donc l'idée... elle est bien connue, c'est que les forces du marché seraient capables d'engendrer un ordre spontané qui se régule lui-même. Donc on retrouve cette idée qu'il y a des lois immanentes qui sont capables d'ordonner le monde et donc de faire l'économie de cette figure encombrante de l'hétéronomie. Alors celui qui a pensé le premier avoir découvert ces lois dernières sur lesquelles asseoir le droit et la morale, c'est Hume. Dans son traité de la nature humaine, dont le sous-titre dit clairement l'ambition, c'est sous-titré « Essai pour introduire la méthode expérimentale dans les sujets moraux ». Donc il s'agit bien d'essayer d'ancrer un nouvel ordre juridique dans la méthode expérimentale. Donc il y a une référence aux lois de la nature. Et il identifiait trois lois fondamentales de la nature sur lesquelles régler le gouvernement des sociétés humaines. La loi de la stabilité de la possession, la loi de son transfert par consentement et la loi de l'accomplissement des promesses, il appelait ça. Sans surprise, c'est à ces trois lois que se référera par exemple Hayek deux siècles plus tard pour affirmer l'existence d'un ordre spontané du marché et combattre ce qu'il appelle le mirage de la justice sociale. Or, il s'agit de trois règles de droit privé. C'est la liberté contractuelle, le droit de propriété et la responsabilité civile. Donc, étendre cet ordre du marché à l'échelle du globe suppose donc de donner au droit privé, qui exprime ces lois fondamentales de la nature, la primauté sur le droit public. C'est-à-dire que comme jadis la loi humaine regarde la loi divine, le droit public serait un simple droit d'organisation, je cite ici Hayek, un mal nécessaire, qui doit renforcer et non pas entraver l'action de la main invisible du marché. Voilà, tel est le programme juridique de la globalisation. Alors vous savez que cette idéologie a triomphé depuis les années 80 et que les droits économiques et sociaux ont été dénoncés comme de faux droits et la privatisation des institutions du welfare state est devenue la priorité de l'agenda politique national et international, nonobstant l'orientation politique des gouvernants. Peut-être, il faudrait que dans une des quelques années qui me restent, je ferais bien une année sur la sécurité sociale, mais si on prend l'assurance maladie en France, le mouvement de privatisation est lent, discret et inexorable, semble-t-il. Donc l'utopie d'un ordre juridique mondial qui ne serait plus constitué d'un pavage d'État, mais constituerait une grande société ouverte, je cite Hayek encore, peuplée d'une poussière de particules contractantes, poursuivant leurs intérêts individuels, a donné le jour à un espace financier, technique et économique qui ignore les frontières nationales. Conjugué aux nouvelles techniques de l'information et de la communication, l'ouverture des frontières à la libre circulation des capitaux et des marchandises a profondément ébranlé la souveraineté des États et réduit leur pouvoir législatif. Selon Hayek, qui est toujours si éclairant, les seuls liens, écrit-il, qui maintiennent l'ensemble d'une grande société sont purement économiques. Ce sont les réseaux d'argent qui soudent la grande société et le grand idéal de l'unité du genre humain dépend en dernière analyse des relations entre des éléments régis par l'impulsion vers la meilleure satisfaction possible de leurs besoins matériels. Donc ce sont les rapports monétaires qui sont la vraie base de l'unification du genre humain autour de lois qui ne dépendent pas de l'arbitraire des États. Cette promesse d'une grande société ouverte participe en réalité d'une certaine philosophie de l'histoire qui est propre à l'Occident, j'y reviendrai peut-être. Le marxisme n'était qu'une version concurrente de cette vision eschatologique de l'histoire, et c'est pourquoi l'implosion de l'URSS, alors même qu'elle illustrait l'inanité de la croyance dans les lois de l'histoire, a été interprétée au contraire en Occident comme le signe du triomphe universel et définitif des forces du marché, c'est-à-dire comme une manifestation des lois de l'histoire et même pour les plus enthousiastes, comme la fin de l'histoire. Bon, vous savez le succès qu'a eu cet ouvrage de M. Fukuyama. L'histoire s'arrête, nous avons maintenant trouvé les bases définitives d'organisation du genre humain. Dès lors, l'impératif n'est plus de subordonner la poursuite des intérêts individuels à celle de l'intérêt général, mais bien au contraire, de faire de la chose publique l'instrument de la libre maximisation des utilités individuelles. Alors cette thèse, qui est au cœur de l'idéologie économique contemporaine, a elle-même des racines religieuses que j'ai déjà évoquées, je crois, l'année dernière. L'idée d'un plan divin qui convertirait les vices privés en prospérité publique a germé dès le XVIIIe siècle, dès le XVIIe, avant de s'épanouir au XVIIIe, d'abord sous la forme provocatrice de la fable des abeilles de Mandeville, puis sous celle de la main invisible qui, depuis Adam Smith, occupe la place de la divine providence dans la théorie économique. Cette foi, dans un ordre spontané, résultant du libre jeu des égoïsmes individuels, avait donné aux Lumières britanniques leur marque distinctive par opposition aux Lumières allemandes et à l'impératif catégorique kantien de respect de la dignité humaine. Et elle exerce aujourd'hui sur les esprits une emprise considérable, car elle participe de l'idéal de l'American Way of Life qui est poursuivi sur tous les continents. Vous voyez par exemple l'extraordinaire succès éditorial des livres d'Ayn Rand, au premier rang desquels son ouvrage au titre explicite « La vertu de l'égoïsme ». Plus de 25 millions d'exemplaires des livres d'Ayn Rand ont été vendus à ce jour. Ça dit beaucoup. Alors, au plan juridique, cette inversion du rapport privé-public entraîne un mouvement de privatisation du pouvoir normatif. Ce mouvement résulte d'abord du rétrécissement de la sphère publique au profit de la sphère privée. La privatisation est alors une conséquence directe de l'attribution à des opérateurs privés de missions jadis assurées par l'État. Alors, ce mouvement ne consacre pas seulement les services de l'État social, mais aussi certaines fonctions régaliennes, comme la justice, par exemple, avec l'essor de l'arbitrage. Je fais une petite parenthèse pour vous en dire un mot, parce que c'est l'une des inquiétudes qu'on a sur le traité de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis, c'est que ce traité tend à généraliser le recours à l'arbitrage dans des conditions où il s'applique déjà en matière d'investissement privé dans des États. Alors ça concerne surtout maintenant plutôt des États d'Amérique latine ou d'Afrique, on signe une clause compromissoire au moment où on fait l'investissement. Et si l'État prétend, par exemple, augmenter la pression fiscale, eh bien, l'entreprise qui investit va dire « Ah non, on avait signé à conditions juridiques et économiques inchangées, vous changez unilatéralement les conditions, donc je vais demander à l'arbitre de vous condamner une indemnisation. » Donc vous avez un système où c'est l'arbitre, qui est privé par définition, qui va juger du dommage causé par un changement, par exemple d'une loi fiscale, mais ça peut être une disposition sociale ou environnementale. Donc vous avez au travers de ces mécanismes de l'arbitrage international dans les affaires, une mise en surplomb d'arbitres qui sont eux-mêmes sur un marché de l'arbitrage, parce que leur fonction s'exerce sur un marché de concurrence, c'est un marché très rémunérateur. Donc vous avez quelque chose qui se boucle complètement et où on va juger sur des bases purement de calcul économique et commercial de la pertinence de telle ou telle disposition qui serait adoptée par les États. Et c'est un des points sur lequel il faut être particulièrement attentif. Ça concerne aussi la gestion des prisons. Il y a eu des scandales il y a peu de temps aux États-Unis. On s'apercevait qu'on remplissait les prisons parce qu'il y avait une entreprise privée qui était payée au prorata du taux d'occupation et elle avait un accord avec le shérif du coin. Enfin bon, les partisans les plus radicaux de ce mouvement de privatisation entendent affamer la bête, c'est l'expression. Starving the beast. C'est une stratégie que Grover Norquist, qui est une figure de proue de la lutte contre l'impôt aux États-Unis, a su décrire dans ses termes imagés. Il faut diviser l'appareil de l'État par deux en 25 ans, le ramener à une taille assez petite pour qu'on puisse le noyer dans une baignoire. Bon. Voilà le programme, pas seulement aux États-Unis. Ce puissant courant politique a été précédé d'élaborations théoriques venues des horizons les plus divers, mais qui convergent pour défendre le projet d'une société débarrassée de la société encombrante et oppressive de l'État. Et une telle société serait régie par les lois que les individus ou les communautés se donnent à elles-mêmes et donc purgée de toute hétéronomie. On ne retrouve pas ce programme de dépérissement dont on doit noter l'étrange parenté avec celui de Engels. L'État s'éteint progressivement. Il ne disait pas qu'il fallait le noyer dans une baignoire, lui, mais c'était... ne se retrouve pas donc dans le droit de l'Union, qui accorde au contraire une place structurelle aux États membres. Mais il s'agit d'une place subordonnée, dans la mesure où les États renoncent à leur souveraineté dans le domaine économique et monétaire. Et en particulier, l'institution du marché européen conduit à envisager la fonction sociale des États comme une dérogation d'interprétation restrictive aux libertés économiques garanties aux personnes privées. En réalité, vous le savez, enfin les juristes, que je suppose nombreux dans cette salle, savent que le droit européen n'accorde pas une grande place, ne reconnaît pas tellement d'ailleurs la distinction droit privé et droit public. Ce qui fonde ce droit, c'est plutôt la distinction de l'économique, qui est l'objet central du droit communautaire, et du social, qui est une compétence réservée aux États. La Cour de justice définit ainsi l'entreprise comme toute entité, je cite, hein, toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. Donnant cette définition, le juge communautaire fait de la notion d'activité économique une catégorie dogmatique qui désigne toute activité susceptible d'être assurée par une entité privée, peu important qu'elles exercent dans le secteur privé ou dans le secteur public d'un État membre. Alors, l'opposition ainsi établie entre des droits économiques qui seraient susceptibles d'être universels, parce que s'exerçant sur le marché, d'une part, et des droits sociaux qui seraient par nature particuliers, renvoyant à des solidarités locales, cette opposition est purement idéologique. Et en effet, il n'y a pas de lien de droit qui n'ait à la fois une dimension économique et une dimension sociale. Si vous invitez ce soir votre épouse ou votre fiancé ou votre époux ou votre fiancé sans eux à dîner, on ne peut pas dire que ce soit a priori une opération économique, mais il faudra quand même payer l'addition. Donc, on ne peut pas imaginer de lien qui soit purement économique, sauf peut-être quand les ordinateurs du high-speed trading se parlent. Donc là, on a sans doute des choses qui sont purement de l'ordre du calcul financier, mais est-ce que c'est encore de l'économie? Je ne sais pas. Donc en réalité, cette distinction de l'économique et du social est une distinction qui est purement dogmatique. Ça ne veut pas dire qu'il faille la négliger, puisque c'est celle, une des distinctions fondamentales qui sert au raisonnement de la jurisprudence européenne. Mais il faut la prendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire non pas une donnée de la science, une observation des faits, mais une construction dogmatique qui a pour corollaire la minoration du rôle de l'État, puisque la sphère du droit européen va mettre en surplomb l'économique par rapport au social. Alors ça, je pourrais vous en donner énormément d'exemples. La Cour de justice a ainsi jugé que la solidarité qui est à l'œuvre dans les organismes de sécurité sociale constituait une exception licite, mais d'interprétation restrictive, au principe de libre concurrence. Elle l'a fait dans des arrêts très fameux pour les juristes de droit social, les arrêts Pousset et Pistre, où certains assurés disaient « mais je préférerais aller voir un assureur privé plutôt que de payer des cotisations à la sécurité sociale, donc c'est une entrave à ma liberté de choisir, c'est contraire au marché, il y a une situation de monopole de la sécu, ça ne va pas ». Et là, la Cour a été obligée, c'est la première fois, elle a été obligée de donner une définition juridique du principe de solidarité, ce qui n'avait jamais été fait en droit français, par exemple, pour essayer de désigner un espace, un type de prestation qui pouvait, par dérogation, sous des conditions restrictives, échapper à la libre concurrence. Et elle a fait de même en matière de convention collective, parce que là aussi, on va dire, ben, comment vous m'obligez, en étendant une convention collective, vous allez m'obliger à payer un certain tarif, mais c'est une atteinte à mes salariés, mais c'est une atteinte au droit de la concurrence. Je devrais pouvoir, dans le cas de la concurrence, payer le niveau de salaire qui me convient et me permet d'être le plus compétitif. Et là aussi, la Cour de justice a dit, bon, si la convention collective poursuit un objectif social, on va dire que c'est admissible. Mais on va vérifier si l'objectif est bien social. Et il y a des cas, il y a un arrêt du Conseil d'État en France qui dit « Ah non, ça ne va pas, ça porte une atteinte excessive à la libre concurrence ». Alors vous voyez que la fonction de la convention collective change parce qu'elle était chargée de faire une police sociale de la concurrence. Et donc c'est sous observation, sous contrainte. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 10 avril 2014, Alain Supiot, Les figures de l'allégeance, aujourd'hui, le recul de l'hétéronomie, partie 1. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations liées à cette diffusion. Alain Supiot a dirigé l'ouvrage collectif « Face à l'irresponsabilité, la dynamique de la solidarité » aux éditions du Collège de France en 2018. Je rappelle également sa leçon inaugurale « Grandeur et misère de l'État social chez Fayard » en 2013. Son cours sur la gouvernance des nombres, suivi des figures de l'allégeance en partie 2, a été publié chez le même éditeur en 2015. Documentation musicale Antoine Villose. Iconographie web Claire Coinsignon. Réalisation Laure-Hélène Planchet. Présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie d'Alain Supiot son analyse des figures de l'allégeance et du recul de l'hétéronomie. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.